L'actualité à Nancy et ailleurs. Magie, illusion et solidarité le vendredi 12 octobre à Réméréville. David Pierre, bonjour. Bonjour Yves, c'est toujours un plaisir et une joie d'être accueilli sur Fadjet. C'est partagé, vous êtes donc adjoint maire à la mairie de Réméréville et délégué à l'animation. Et bien, on va découvrir avec vous ce que vous préparez pour le vendredi 12 octobre à Réméréville. Qu'est-ce qui nous attend? Donc le vendredi 12 octobre, nous organisons un spectacle de magie et d'illusion avec le groupement Nikos Magie Evans, qui est un magicien professionnel et qui nous offre totalement gratuitement un très très beau spectacle de magie au profit des Restos du Cœur. Les entrées sur ce spectacle se font sous forme de dons de denrées alimentaires, donc les gens viennent avec de la nourriture qu'ils remettent sur place aux bénévoles des restos qui seront présents sur place, et le spectacle va durer environ 1h30 et le public participera aux différents tours de magie proposés par Nicolas Villemain. Voilà, le vendredi 12 octobre, donc à la salle polyvalente de Réméréville, vous l'avez dit, hein, l'entrée se fait en amenant juste des denrées alimentaires, des boîtes de conserve, des pâtes, du riz, des choses comme ça. Voilà, toutes des denrées de première nécessité. Et pour rehausser cette manifestation, nous avons comme marraine le groupement de Miss Lorraine, hein, qui sera présente sur place et qui participera à des dédicaces et des séances photos dès 20h. Voilà, de la magie et du charme aussi au rendez-vous le 12 octobre. C'est un rendez-vous qui est régulier maintenant au profit des Restos du Cœur. Hein. Oui, alors sur notre commune, c'est la troisième année. Nous avons commencé en 2016 avec un spectacle d'hypnose. L'an dernier, c'était un spectacle chant choral sur le répertoire des Enfoirés à l'église de Réméréville. Et cette année, nous repartons donc sur un spectacle de magie avec Nicolas, qui s'était proposé de nous offrir ce spectacle de qualité. Eh bien, très bien. Je vous rappelle le jour, le vendredi 12 octobre, c'est à 20h30 à la salle polyvalente de Réméréville. Merci beaucoup, David Pierre. Merci, Yves. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.